Eh bien oui, c'est notre thème qui recommence. Bon, vous êtes à l'écoute de CKRL 89.1 Québec et c'est l'émission Terrain Incognita avec Bruno et Jean-François. Et ben, cette semaine, il sera question du évidemment de la convention Terrain Incognita qui aura lieu au centre d'Arles-la-Chapelle. Et si vous avez reçu le catalogue là, du centre d'Arles-la-Chapelle, ben il y a une belle page qui est consacrée à l'événement. Et ben moi, je trouve que c'est là, ça ressemble, en tout cas, moi, l'idée que je me faisais, c'est très, très bien présenté. On voit chacun des groupes qui sont là et chacun des soirs, et on vous en a déjà parlé. Je pense que quelque chose qui va attirer beaucoup l'attention, ben c'est le vendredi soir avec RPWL qui joue Pink Floyd. Ça, c'est sûrement un concert à ne pas manquer. Et on va sûrement faire des petits spéciaux là, d'ici le mois de mai. Donc ça, c'est pour le vendredi. Et pour ce qui est du samedi, ben le groupe RPWL encore, mais là, ferait son répertoire à lui. Et finalement, pour le dimanche, c'est Sylvane qui est en vedette avec Kinetic Element. Et Unreal City, le retour du groupe italien qui a fait un triomphe il y a 2 ans. Et ben, pour revenir au samedi, il y a Belgans aussi et Inner Odyssey. Donc ça va être quelque chose à surveiller. Mais un petit peu plus tôt que ça, il y a GG Project qui est un hommage à Gentle Giant et c'est quelque chose de quand même assez rare. Et un ami à moi les a déjà vus et il me dit que c'est quelque chose à très bien voir. C'est des étudiants en musique qui se sont donnés comme projet de fin d'études, en tout cas ça faisait partie de leurs études, d'interpréter le matériel de Gentle Giant. Donc c'est quelque chose qui est très, très bien fait aussi, d'après ce qu'on m'a dit. Et ça, c'est le vendredi 8 janvier au centre d'Arles-la-Chapelle. Comme le disaient mes collègues des illusions auditives qui passaient juste avant, Steven Wilson, le 29 février. Et effectivement, c'est un lundi. Et bon, c'est sûr que c'est un concert qui est à voir. C'est le 4-8 avril au Grand Théâtre. Entre autres, parmi les concerts qui s'en viennent, il y en a beaucoup. Et on s'en plaindra pas. Je vous parlais du magazine Progressis, donc le numéro 82. Et il y a toujours deux disques qui viennent avec ça. Il y a le disque Progressis comme tel, le numéro 82, mais on va se concentrer beaucoup ce soir sur The Classic Rock Society, un disque qui vient aussi avec le magazine, donc c'est le volume 20. Et là-dessus, ben moi j'ai vu Tiger Moth Tale. Et j'ai accroché un petit peu sur ce... En fait, je connaissais pas ce gars-là. En fait, c'est juste une personne. C'est Peter Jones. En fait, il est crédité pour Everything. Donc, il fait tout. C'est un multi-instrumentiste. Et c'est son deuxième disque, mais ça va quand même assez vite, son affaire. En 2014, il sortait Cocoon. Et en 2015, il nous arrive avec Storyteller Part 1. Donc, on présume qu'ils vont nous sortir un Part 2 éventuellement. Et il s'est pas contenté de faire deux disques en 2 ans. Il y en a même un troisième en spectacle, Live at the Borderline. Donc, ça s'est paru aussi en 2015. Donc, c'est un espèce de petit prodige qui a eu son premier piano à l'âge de 4 ans. Et en 1988, il a remporté la finale junior de BBC for Christmas. Donc, je pense que c'est quand même un fait assez notable. Il a formé avec un de ses collègues Too Go, autrement dit deux Too Go, pour faire des covers de musique pop. Mais ça ne satisfaisait pas complètement. Et donc, en 2013, il adopte le nom de Tiger Moth. Ben, moi, ça me rappelait quelque chose sur Steve Hackett, l'album Spectral Morning. Il y a une pièce qui s'appelle Tiger Moth. Et ben, je ne sais pas si ça a un rapport avec ça. Mais il est dans une veine très musique progressive. Et bon, on donne toutes sortes d'influences. Mais moi, en tout cas, je trouve que cette pièce-là, là, Storyteller, ben c'est du plus pur Genesis. On dirait que c'est extrait de A Trick of the Tail. Et on va entendre donc cette pièce-là qui vient de Storyteller Part 1. Et ce sera suivi de Riverside. Ça vient Du disque Progressiste numéro 82, donc c'est l'extrait qui est fourni là-dessus. Discard Your Fear sur Love, Fear and the Time Machine. Et ce bloc se terminera avec Second Flight Live at the C7 du groupe Flying Colour, qui comprend des membres qu'on connaît bien, dont Steve Morse et Neil Morse, avec aucun lien de parenté. Donc on commence avec Tiger Moth Tale. Once upon a time is how it all began. Pictures from the mind of a woman or a man. Words from the pen, we read them again, and we're there. Palaces of gold, cobbled streets of stone, scenes of time gone by, or futures yet unknown. Words on the page, the players on the stage, and you're after. Faces so familiar, the Try to free your the unknown, be here and now, just find yourself in peace. Try to free your mind, wake up, get unstuck, let it go. Send you shame to yeah. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. C'était Flying Colour avec Open Up Your Eyes et c'était précédé de Riverside avec Discard Your Fear. Et on avait débuté avec Tiger Moth Tale et avec Storyteller. Et je vous parlais tantôt du numéro 82 de Progressis. Si on fait un petit tour rapide dans la chronique I Love 90, les années 90, on revient sur Cairo. Et en fin d'émission, on écoutera une pièce de Cairo, de leur premier album. Et on parlera un petit peu plus longuement de ce groupe-là. Il y a dans la chronique Antique Prog, on parle de Novalis. Et encore là, on terminera l'émission avec une pièce de Novalis. Et Collectors ont fait deux pages sur le nouvel album de David Gilmour, Rattle That Luck, qui a satisfait, je pense, les fans de David Gilmour. Et on parle de ce coffret. Bon, l'impression que Zoton est peut-être un petit peu, je dirais, pas dithyrambique, là, mais il y a quand même des réserves. Mais ça reste du David Gilmour. Il y a une autre chronique, c'est je lui trouve un goût de prog. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'on dit que bon, il y a des groupes dans lesquels c'est 100% qu'il n'y a aucun prog là-dedans. Deep Purple, souvent, ils vont jouer là-dedans. Led Zeppelin ont fait du prog pur, mais ils ont fait aussi beaucoup d'autres choses. Et le groupe qui est célébré là-dedans, c'est Slade. Et on revient sur certaines pièces à couleur progressive. Moi, je trouve ça intéressant l'analyse qui en est faite. D'ailleurs, nos collègues des Illusions Auditives font jouer de temps en temps du Slade. Moi, je connais pas beaucoup de monde qui aime ce groupe-là. Je pensais que j'étais le seul à Québec. Dans les albums événements, on revient sur The Black Codex de Christian Brune. C'est le batteur de Sky Architect, le très très bon groupe. Et lui avait eu l'idée de recourir à des abonnés. Et il lui fournissait une pièce de musique par semaine. Et il a décidé de regrouper tout ça là, sur 8 CD. Et il en a fait un coffret. J'ai pas vu de place qui distribuait l'objet, mais je pense que ça pourrait être intéressant. On parle aussi de Riverside qu'on a écouté dans le premier bloc. Ce qu'on dit, c'est que on a raccroché un petit peu, comme beaucoup de monde qui avait décroché avec Anno Domini High Definition. Beaucoup de monde trouvait que Riverside prenait un tournant un petit peu trop métal, mais avec ce disque-là qui est vraiment pas métal, d'ailleurs la pièce qu'on a entendue, ça donne une bonne idée, c'est assez significatif. Et on parle aussi de Oblivion Particle du groupe Spokesbeard. Dans Area 51, on parle de Oliver. On a déjà écouté une pièce d'Oliver et c'est assez atmosphérique, mais on parle de ses débuts qui étaient vraiment plus métal. C'est quand même intéressant, ça donne le goût de plonger un peu. Moi, je me délecte toujours de la chronique de Canterbury avec Émeric Leroy, qui est un spécialiste de la question et qui a écrit de nombreux livres, entre autres sur King Crimson. Et là, on parle plus spécifiquement de National Elf. Dans les autres, on a parlé de Gong et de Soft Machine et de beaucoup de choses comme ça. Dans les interviews contacts, il y a des groupes intéressants qui font... un groupe français qui s'appelle Alfie Reiner, qu'on retrouve aussi sur les disques qui sont donnés avec le magazine. Mais pour cette semaine, j'ai fait d'autres choix, là, mais on pourra revenir dans les semaines qui viennent. Il y a Calibro 35 aussi, qui est un groupe italien, qui me semble assez intéressant. Et Mater Talum, qui est, lui, un groupe norvégien assez atmosphérique. Donc, pour l'instant, on va y aller avec une belle nouveauté, c'est-à-dire Nad Sylvan, je pense, qui se passe de présentation à Québec, parce que on l'a connu avec Uniform en 2008. Mais après, c'est surtout avec Agent of Mercy, avec Ron Stoad. Donc, il a tourné avec ce groupe-là, avec trois albums studio. Ensuite, on l'a vu à au moins deux reprises à Québec avec Steve Hackett. Et sur ce disque-là, qui s'appelle Courting the Widow, Nat Sylvan joue des claviers, joue des guitares. Il y a d'autres guitaristes, entre autres Steve Hackett et beaucoup d'autres invités. D'autres invités prestigieux comme Jonas Ringgold, Nick Begg, en fait toute la gang de Steve Hackett, Roger King, Gary O'Toole, tout ce monde-là se retrouve sur son disque, qui est composé exclusivement par lui, un gros disque de 70 minutes. On va entendre une pièce qui s'appelle Echoes of Ekwabet, et ce sera suivi de Neo Prophet, qu'on retrouve sur l'album The Classic Rock Society. Et on terminera ce bloc avec Wang Wen. Et ça, c'est assez particulier, on en reparlera au retour. Thank you. think the world seems to exist. And the spirit raised up in the air, and the circle down into the flaming glare. Dance with the demons, screech with the hawk, stalk with the lioness, nuts in the dark. Then run with the big sun, run or you fight, run down the enemy before your demise. Dance with the demons in the circle. Oh, world drove me insane. Voices of hell whispered in my ears. Now I smell perfumes of a summer breeze. Death will turn off the masks worn. Fallations are arguments, I'm just reborn. Let's break the silence, let's raise some storm. This is a genuine me. And like you want me to be. This is a genuine me. No need to forgive me. Now I just start to realize. What could have been? Deviously profane my dreams. Been searching for some self-esteem. Been looking for that one right scheme. We'll be right back. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. C'est KRL 89.1. Yes, we need this. The best is yet to come in. Yes, believe this. Let go of my echo while I flex my EO. Sip on Prosecco. Québec. Et donc, on a terminé ce bloc-là avec Wang Wen. Et ce qui est particulier, comme je vous disais avant le bloc, là, c'est que c'est un groupe chinois. Donc, un groupe de musique progressive chinoise. Mais c'est pas nécessairement du progressif pur, comme vous avez pu le voir. En fait, c'est un groupe qui a été formé en 1999 et ils ont été influencés à cette époque-là par Smashing Pumpkins. Donc, on peut pas dire qu'ils viennent vraiment du milieu. Ils ont élargi leurs horizons pour se diriger vers un post-rock. Donc, ça ressemble plus à ça. C'est une forme de musique qu'on associe à la musique progressive. Ils ont fait 6 albums entre 2003 et 2014. Le présent, ce qu'on a entendu et qui est extrait là, de la compilation Progressiste numéro 82, ben, ça s'appelle 8 Horses. Et ben, en fait, l'album c'est 8 Horses, mais la pièce qu'on a entendue, c'est Northern North. Et juste avant, c'était Néo Prophète. Moi, j'aime vraiment cette pièce-là. Je ne sais pas si l'album qui s'appelle Time, qui est paru en 2015 et qu'on retrouve sur New Species, volume 20 du magazine Progressis. Je ne sais pas si tout l'album est intéressant comme ça, mais celle-là, moi, je l'aime bien. Mais c'est un groupe, c'est un nom qui revient assez souvent. En 2009, ils ont sorti l'album Monster. Donc, eux autres, ils ont été formés en 2005 et ils étaient inspirés de Pink Floyd, Marillion, Rush et Genesis. Et ça s'entend assez bien. Marillion, surtout. Et on poursuit avec un autre extrait là, de ce New Species volume 20, moi, que je trouve vraiment épatant là, d'un bout à l'autre. Là, j'en parlais avec Marc cet après-midi. On s'est jasé, puis il est du même avis que moi. D'ailleurs, lui a mis la pièce numéro 5, là, le groupe Herba d'Amélie, et qui est vraiment excellente, et on va plutôt en mettre une autre. Un groupe anglais qui s'appelle The Dreaming Tree, qui m'a plu vraiment beaucoup. J'ai fait des petites recherches sur eux autres et on parle plus de musique qui tire un petit peu sur le métal. Donc, c'est un groupe qui est formé début 2000, donc ils ont quelques disques. Mais ils ont pris du temps un petit peu à avoir un effectif stable. Ils ont sorti un album qui s'appelle Grafting Lines and Spreading Rumors en 2007, Progress Has No Patience en 2010 et Silver Fade en 2015. C'est d'ailleurs une pièce de ce disque-là qu'on va entendre qui s'appelle Zero to Type One. Et on va poursuivre avec Nick Turner, qu'on connaît bien. Je pense que Bruno aime bien aussi Nick Turner. Et donc lui, M. Turner, il est issu de l'underground des années 60. C'est pas un jeune nouveau. Là. C'est un membre fondateur de Rockwind, donc on voit que ça remonte assez loin. C'est le saxophoniste et flûtiste. Il a eu des expériences variées dans les années 70, entre autres avec Steve Village. Ça y fait 5 CD, ben en fait 5 albums là, entre 1978 et 2015, dont Space Gypsy qu'on a écouté ici abondamment. Michel est très amateur aussi de Nick Turner, c'est d'ailleurs un grand amateur de Hawkwind. Ce nouvel album s'appelle Space Fusion Audité et il y a énormément d'invités prestigieux là-dessus. Et on va terminer le bloc avec Perfect Beings, leur deuxième qui s'appelle tout simplement Deux, on va entendre The Love Inside. like a burning paper tiger. Unfurls the murmur of her keep. Commanding statue, painted liar. Hides all denials underneath. Weapons. there's a constant coming up to you. Constantly, it's constantly you. Always trying to get that hand out. Always trying to capitalize on the love inside. On the love inside. On the love inside. There's a constant coming up to you. Constantly, it's constantly you. Always seek a better measure. Always trying to realize all the love inside. All the love inside. All the love inside. yeah, it's coming back around again. Coming in circular motion. Have my lover become my killer. I die to realize all the love inside. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. En tant que bénévole pour l'opération Nez Rouge, on a déjà... Cherché la rue Montmagny pour finalement se ramasser dans la ville de Montmagny. Chanter dans un resto pour réveiller une cliente. Trouver une maison avec une télécommande de garage. Aider le monsieur qui, à mi-chemin, s'est rendu compte qu'il avait oublié sa femme. Peu importe ce qui arrive, ça fait toujours des soirées mémorables. Ça finit toujours bien. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge au 1-866-DESJARDINS. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, Desjardins et de cette station. En août dernier, le cinéma Cartier a cessé les opérations de son club vidéo pour poursuivre sa mission première, présenter des films en salle. Audio Vidéo DG s'est porté acquéreur de son inventaire, un des plus importants au Québec. La liquidation est en cours. Des milliers de films introuvables, discontinués, de tous les genres, spécialisés dans le cinéma d'auteur et étranger, sont en vente. Audio Vidéo DG, 194 Avenue Saint-Sacrement, 88-681-5088. audiovideodg.ca. Vous écoutez CKRL 89.1. Let me fly away with you for my love is like the wind and wild as a wind. Et c'était Perfect Being dans leur style très Yes. C'était précédé de Nick Turner. On avait débuté avec The Dreaming Tree. Et je vous rappelle que l'émission est disponible en podcast tout de suite à la fin de l'émission. C'est disponible sur le site de CKRL et vous pouvez avoir les titres. Ça va être fait dans la journée de demain sur le site de Terra Incognita. Et c'est déjà le dernier bloc et on termine avec une nouveauté de Yuka et Chronoship avec un nouveau disque qui s'appelle The Third Planetary Chronicle. Yuka et Chronoship, ben c'est des Japonais et qu'on a déjà entendu avec Dino Rocket Oxygen qui est paru en 2013. J'avais mis des extraits qui d'ailleurs venaient d'un des CD de promotion de Progressis également. Et on va suivre ça avec Kero. Je vous disais tantôt que dans la chronique du dernier magazine Progressis, dans la chronique I Love 90, on revient sur le groupe californien Kero, que j'ai bien aimé des années 90. En fait, on parle que ce serait le groupe prog le plus sous-estimé. Oui, sûrement. En tout cas, c'est un des groupes qui est sous-estimé. Il a débuté dans les années 90. Il y avait Mark Robertson au clavier et Jeff Brockman à la batterie qui ont fait une recherche pour trouver d'autres musiciens. Leur style s'apparentait à Yes, Yes Beaucoup, oui, et Emerson, Lake & Palmer dans le son des claviers. Ils ont eu un contrat avec Magna Carta qui était très actif dans les années 90, entre autres Shadow Gallery était disponible là-dessus, mais et Magellan aussi. Donc ce premier album en 1994 s'appelle tout simplement Caro. Ils reviennent en 98 avec Conflict and Dreams et finalement avec Time of Legend. Ils ont aussi participé à des tributes à Yes, entre autres Genesis, Emerson, Lake & Palmer, Rush et Pink Floyd. Le chanteur Brett Douglas est décédé en 2011 à l'âge de 52 ans, donc il est mort d'un cancer. Donc on va entendre la pièce Season of the Heart, extrait de l'album Caro. We'll be right back. Donc c'est Yuka et Chronoship. En fait, on a inversé. Ce qu'on a entendu en début de bloc, c'est Kero. Et on a poursuivi avec Yuka et Chronoship. Et c'est déjà la dernière pièce. Je vous parlais de Antique Prog dans Progressist numéro 82 qui font une rétrospective de Novalis. C'est un groupe allemand qui a débuté en 1970 avec deux membres du groupe Marquis. Ils ont changé le nom. Ils ont pensé à Mosaïque, mais ils ont décidé de conserver Novalis, qui était le pseudonyme d'un poète romantique du 17e siècle. À leur début, ils faisaient des covers de John Mayall, Santana et Jimi Hendrix, mais ils ont pensé à faire des compositions. Très bonne idée. Et à mesure que leur réputation grandissait, ben, ils ont été recrutés par le label allemand Brain, qui nous a sorti beaucoup de musique allemande. Parmi les disques qu'on connaît le mieux, leur premier, Banish Bridge, est le plus connu. L'album éponyme Novalis qu'on va entendre est parmi les très bons aussi. Et celui qu'on connaît le mieux, je pense, c'est Summer Aben de 1975. Donc on y va avec la pièce Impressionnelle sur l'album éponyme de Novalis. Et là-dessus, on vous dit restez à l'écoute pour l'émission L'Autoroute avec Stéphane Villeneuve. Bonsoir à tout le monde.